Iman. Bonsoir à vous tous, bienvenue à ce journal. Nous sommes vendredi 26 avril 2019. Voici les grands titres de cette édition de la soirée. Remise et reprise ce vendredi entre la nouvelle équipe de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNIDH et l'équipe sortante. Occasion pour le tout nouveau président Sixte Vigné Nimouraba de déclarer que le passage du statut au statut B au sein du Haut Commissariat des Nations Unies importe peu pour la commission qu'il dirige et qui sera jugée sur ses actes. Dans ce journal, on revient largement sur les infrastructures routières en état de délabrement, surtout en mairie de Bujumbura. Des reportages et des analyses pour vous éclairer, ainsi que des propositions d'action à mener pour y faire face. Et pour boucler, nous aurons un commentaire de la rédaction sur ce sujet qui a fait l'objet d'une édition spéciale. C'était à la mi-journée. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir, le tout nouveau président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, affirme son engagement à défendre les droits de tous les citoyens burundais. Lors des cérémonies de remise et reprise ce vendredi, entre la nouvelle équipe de la CNIDH et l'équipe sortante, Sixte Vigné Nimouraba a déclaré que le passage du statut A au statut B au sein du Haut Commissariat des Nations Unies importe peu et que la commission qu'il dirige sera jugée sur ses actes. On fait le point avec Aimé Richard Niyonguru. Dans ces cérémonies de remise et reprise entre la nouvelle équipe de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi et l'équipe sortante, Jean-Baptiste Balibonekeza, le président sortant de cette commission, reconnaît avoir rencontré des obstacles pendant son exercice, surtout que le pays traversait des moments difficiles. C'est que la CNIDH a un mandat et qu'elle doit agir justement en tenant compte des limites de son mandat. La CNIDH, évidemment, intervient de manière stratégique, ça veut dire en essayant de garder le maximum d'impartialité possible, donc de protéger les droits de l'homme en faisant attention, par exemple, à ne pas créer la zizanie et les divisions entre les Burundais. Je pense que c'est vraiment le principal enjeu en termes d'accomplissement du mandat de la Commission dans tous ces aspects d'ailleurs. Quant à Sixte Vigné Nimouraba, le président entrant à la tête de cette commission indépendante des droits de l'homme au Burundi, qui répondait aux questions des journalistes sur le passage du statut A au statut B que cette commission a observé dans ces derniers temps au sein du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, le président Nimouraba a répondu que sa commission sera jugée par ses actes. Ceux qui rétrogradent peuvent voir et se rendre compte du travail que nous aurions accompli sur terrain et ils vont juger. Mais dire que nous allons seulement poursuivre le statut A, ça serait vraiment médire. Il faut quand même qu'on travaille et on va nous évaluer à travers ce qu'on aura accompli. La nouvelle équipe de la CNIDH qui est solennellement entrée en fonction ce vendredi après qu'elle ait procédé à la prestation du serment le 15 courant à un mandat de 4 ans. Aimé Richard Niyonguru, une synergie d'action de différents membres du réseau mondial des organisations de la société civile pour la réduction des catastrophes permettra de dégager les défis communs dans ce secteur. C'est en tout cas la conviction de Virginie Nizigama, représentante de l'association Foi en Action, œuvrant pour le bien-être familial. Elle s'exprimait au cours d'un atelier de réflexion organisé ce vendredi sur la gestion et la réduction des catastrophes. Elle regrette qu'avant, les associations travaillaient isolément, mais que désormais la collaboration sera de mise dans la prévention des catastrophes. Suivez-la. Vous savez, si chaque organisation a ses objectifs, et quand il fait les objectifs à mener dans son organisation, il y a aussi le cible. Il y a également les lieux, la zone d'action. Il faut partager alors les zones d'action, également les actions à mener pour couvrir tout le territoire national. Nos attentes sont de pouvoir parvenir à dégager les défis communs qui handicapent nos actions pour que réellement la réduction des catastrophes soit effective. Nous voulons qu'il y ait des engagements fermes pour la réussite du processus de réduction des catastrophes. Aussi, nous voulons dégager un message commun à donner dans la prochaine réunion de la plateforme internationale pour la réduction des risques de catastrophes qui va se tenir du 13 au 17 mai 2019 à Genève. Alors, il faut que nous ayons un message commun pour ça. La paix a lancé à la communauté et qu'il n'y a rien à faire sur les aléas naturels. Mais cependant, il y a quelque chose que nous pouvons. Par exemple, s'il y a l'urbanisation qui se fait d'une façon correcte, alors il y a la réduction de ces catastrophes. Si nous sommes en train de cultiver les champs qui surplombent les montagnes de notre capitale, il faut que nous puissions le faire d'une façon professionnelle sans que nous agressions le terrain que nous cultivons. Alors, il faut qu'il y ait le renforcement des capacités de la communauté pour qu'ils sachent quelles sont les causes et quoi faire pour réduire les risques. Et pour continuer ce journal, aucune église ne sera plus représentée par un étranger au Burundi et aucune église ne sera plus implantée en ville. La décision prise par le ministre de l'Intérieur a été annoncée ce vendredi à Gitega dans une réunion à l'intention des leaders des confessions religieuses. Pascal Barandaguié leur a demandé de contribuer aux élections de 2020. Isanganiro, la radio de l'avenir. On en vient maintenant sur ce qui faisait l'objet de notre édition spéciale à la mi-journée, à savoir les infrastructures routières. On plante le décor d'abord. Il s'observe des nids de poules dans différentes routes du centre-ville de Bujumbura, la capitale économique. Les conducteurs de véhicules et les personnes exerçant leurs activités tout près des nids de poules des routes visitées par nos reporters affirment que cette situation cause des accidents et sans oublier l'endommagement de leurs véhicules. Ils demandent que ces routes soient réhabilitées et l'Inibel Nibigira a fait le tour de la ville. Au boulevard du Peuple Mundi, en face de l'hôtel Votafront, anciennement appelé Novotel, s'observent des nids de poules qui, visiblement, ne facilitent pas la circulation des véhicules. Ces nids de poules sont également autour du rond-point, se trouvant en face de la place de l'Indépendance, où s'observent même des fissures qui s'éclatent à petit feu sur l'intersection de route se trouvant devant le Palais des Arts. La situation est la même. S'observent également des nids de poules sur la route menant vers la cathédrale Jean Mundi, tout près du siège de la banque BCB. Un des conducteurs de véhicules rencontrés affirment que ces nids de poules constituent un problème et qu'ils les ont assistés grandir. Ce nid de poules était au départ très petit, mais plus la circulation des véhicules augmente, plus il s'agrandit. Maintenant, il est devenu vaste. Lorsqu'il pleut ou pas, les véhicules essaient de contourner et percutent nos voitures. Il y a des graviers qu'on apporte parfois pour boucher. Quand les eaux y stagnent, moindre erreur, si l'on passe sur ces graviers non entassés, ils endommagent nos carters et cela revient à nous de faire réparer la voiture. Sur les parkings de bus de transport en commun, des nids de poules y sont éparpillés et même sur la route devant la banque BNDE et l'endroit où se croisent les bus de transport du sud de la capitale, connaît de vastes nids de poules également gênants pour les chauffeurs. Une personne qui exerce ses activités aux environs de son nid de poules témoigne que son nid de poules a été bouché dans le passé mais en vain. Ici, on bouche parfois mais revient à l'état initial quelques jours après suite à la grande circulation de véhicules. Ils se croisent et bloquent la circulation. Il y a un nid de poules et se croisent les voitures provenant de différentes directions, ici et là. Ces conducteurs de véhicules et les personnes exerçant leurs activités autour de ces routes contenant de nids de poules où stagnent parfois des eaux de pluie demandent la réhabilitation de ces routes. Et l'Inibel Nibigira, plus de 4 mètres de largeur de la route goudronnée venant du petit séminaire Kanyosha vers le marché de Moussaga à mairie de Bujumbura sont déjà entamés à cause d'un ravin qui s'est déjà créé à cet endroit et qui s'agrandit chaque jour. La circulation y est difficile. Les habitants de la zone Moussaga demandent aux autorités de réhabiliter cette route dans les meilleurs délais pour éviter des désagréments aux usagers. Vestine Motoui. Là où la partie de la route s'est déjà écroulée, c'est 4 mètres de largeur, c'est à Tchétcheni, quartier Kinanira 2, l'endroit récemment menacé par le ravin qui a déjà emporté une église bétanie, la salle de classe du lycée technique d'Omoura, ainsi que des maisons des habitants de cette localité. Au niveau de cette route, venant tout près du petit séminaire Kanyosha, menant vers le marché d'Omoussaga, dans sa partie sous menace d'écroulement, il s'y observe des fils barbelés indiquant que cet endroit est inaccessible, ce qui fait que la dite route soit étroite. Un des habitants de cette localité dit que l'écroulement de cette route serait dû aux pluies diluviennes récentes. Un autre ajoute que même pendant l'absence de la pluie, cette route s'écroule du jour au jour. Franchement, c'est la honte. Chaque jour, ce ravin s'agrandit. Même s'il n'a pas plu ce matin, ce ravin continue à s'agrandir. C'est spectaculaire. Par exemple, ce matin, il y avait juste une fissure. À l'heure où on parle, ce ravin a emporté une partie de la route. Cependant, suite à l'écroulement de cette route au niveau de Tchétchénie, ses habitants déplorent que la circulation soit difficile. De plus, ils font savoir que les accidents pourraient surgir car la route est proche du ravin. Au moment où les motos, vélos et voitures passent, le piéton n'a plus où passer. En essayant de se frayer le passage au bord de la route, à moindre erreur, le piéton peut se retrouver dans ce ravin. Ces habitants demandent aux autorités habilitées de leur venir en aide dans les meilleurs délais pour leur faciliter la circulation. La situation est ainsi au moment où le pont Moura se trouvant sur la route Bujumbura-Rumonge risque de s'écrouler alors qu'en date du 25 janvier de cette année, le directeur général de l'Office des routes Vincent Nibayoubahé nous a fait savoir qu'ils ont déjà demandé du fonds auprès du ministère des Finances pour la réhabilitation de ce pont et bien d'autres qui sont endommagés. Merci Vestine et Boutoui. Malgré cela, il y a des initiatives de la population pour boucher les nids de poules qui sont dans différentes routes de la capitale Bujumbura. Et dans ces routes, la population utilise du gravier pour boucher ces derniers. Les usagers de cette voirie se disent satisfaits tout en indiquant que ces dernières ne durent que le temps de l'arroser. Mais prévient un expert en construction. Il dit, il conseille les institutions en charge des routes d'éviter la réhabilitation des routes à l'aide de la boue, car, dit-il, elle peut endommager davantage la chaussée. Pour Harimenshi Prudent, pour préserver une route en bon état, il faut l'entretenir régulièrement, selon cet expert en construction. Suivez. Une route est assez énorme. Quand, pendant la construction, on ne respecte pas ces normes, il est évident que les routes se dégradent très rapidement. Quelles sont ces normes dont vous parlez? Il y a d'abord la chaussée, il y a les trottoirs, il y a les carniveaux, toute l'emprise de la route. Concernant les couches, ça dépend du trafic. Quand on dit que cette route sera réservée pour les gros camions ou les gros véhicules. On peut dire qu'il y a également des menaces des routes? Il y a des menaces des routes. L'eau est le premier ennemi de la route. Pour préserver une route, il faut un entretien mensuel ou un entretien annuel. On peut le faire manuellement ou bien mécaniquement par les services qui sont chargés des routes. Vu les routes du Burundi, est-ce qu'elles remplissent la norme? Pendant la construction, elles remplissent les normes, mais après la construction, elles ne remplissent pas les normes parce qu'il n'y a pas d'entretien visible. Dans pas mal de routes, on voit qu'on essaie de boucher les nids de poules qui se trouvent dans la route à l'aide de la boue. Est-ce que c'est une meilleure solution? Ce n'est pas une meilleure solution car on voit un nid de poules, on doit le boucher par les composants même de cette route. Ça veut dire que la boue peut être une des menaces de la route? Oui, cette boue n'est pas destinée pour construire les routes. Une route est assez énorme, donc le bitume ou bien le pavage. Et le Fonds national routier affirme qu'il y a des travaux de réhabilitation des routes qui sont en cours, même s'ils sont jugés insuffisants. Jean-Bosco Savoumouremier, directeur général de ce fonds, explique qu'il fait face à l'insuffisance des fonds. Il ajoute que peu de moyens disponibles sont orientés dans la réhabilitation des routes les plus touchées. Suivez-le. Le Fonds routier national, c'est une structure gouvernementale qui a été mise en place pour, d'une part, mobiliser les financements, mais aussi financer les travaux qui entrent dans le cadre de l'entretien des routes. À ce titre, le Fonds routier finance chaque année pour le programme qui est généralement préparé par l'Office des routes, qui est une agence d'exécution, et puis qui finance les travaux du programme en fonction des moyens disponibles. Ce qu'on a déjà constaté, c'est que les moyens qui sont alloués au Fonds d'entretien routier sont toujours inférieurs aux besoins en entretien routier. On fait tout ce que l'on peut, mais les moyens restent insuffisants pour faire face aux besoins en entretien. Si le problème réside aux moyens, qu'est-ce que vous demandez? Qui est-ce que vous le demandez? C'est vraiment une demande qui fait en fait adressé à tout citoyen burundais. On sait que l'État a des moyens, mais des moyens qui sont affectés à plusieurs demandes. Dans l'avenir, on va pouvoir demander la participation de tout usager de la route. C'est notamment dans notre pays, il y a des systèmes de péage routier. En fait, les gens payent pour la route qu'ils utilisent. Donc, dans l'avenir aussi, on va pouvoir évoluer à ce système-là. Parce que, comme je le disais tantôt, les moyens moyens sont minimes. Il faut faire en sorte que celui qui paie le confort, il se paie le confort. Donc, on va demander la participation de tous qui utilisent les routes. Une opinion dit qu'il n'y a pas de travaux qui sont en train d'être faits pour le moment en vue de réparer les routes qui sont abîmées. Je ne soutiens pas cette affirmation, d'autant plus que, je l'ai dit, chaque année, il y a un programme qui est préparé pour l'entretien des routes. Peut-être il y a des travaux qui sont faits, mais peut-être qu'ils n'arrivent pas à satisfaire en fait les usagers. Mais il faut garder l'espoir. Le Burundi d'aujourd'hui ne sera pas le Burundi de demain. Jean-Bosco Savo-Mouremi, directeur général du Fonds national routier, au téléphone avec Elie Nibel Nibigila. Les infrastructures routières, il en a été question dans le Conseil des ministres du 17 avril dernier. Et c'est un point qui a été analysé en divers et qui a été présenté par le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines. Et le Conseil a demandé à l'administration municipale de coopérer avec les transporteurs des camions Ben afin qu'ils puissent mettre du gravier dans les nids de poules qui s'observent dans les routes de la ville de Bujumbura, en attendant leur réhabilitation. Suivez un extrait du compte-rendu de ce conseil de ministres, et c'est à travers la voix du porte-parole et secrétaire général du gouvernement, Prosper Naourkouami. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines a demandé que la mairie collabore avec les propriétaires des camions Ben pour rendre praticables les routes détériorées en y versant du gravier en attendant leur réhabilitation. Il a également demandé de signaliser les trous des canaux d'évacuation des eaux se trouvant au milieu des routes qui n'ont plus de couvercle pour éviter les accidents. Prosper Naougouami, porte-parole et secrétaire général du gouvernement. Nous devons cet élément sonore à nos confrères de la Radio-Télévision nationale du Burundi. Et pour boucler cette rubrique infrastructure routière, voici ce que en dit la rédaction Isanganiro à travers ce commentaire lu par Mireille Kanyang. Rien n'est plus beau de voir une voirie urbaine attirant les passants. Quand c'est une capitale, c'est extraordinaire. Les conducteurs se sentent aisés dans la circulation routière, nonobstant, la réalité est autre à certains endroits de la ville de Bujumbura. Certaines routes et ponts sont menacés. Au début, des nids de poules, ils s'agrandissent au jour le jour, au point de gêner la circulation. Des fois, bonjour les accidents, les conducteurs en sont témoins. À titre illustratif, c'est le rond-point des Nations Unies, plus particulièrement la route Bujumbura-Mutakura, sur une dizaine de mètres, devant l'hôtel Waterfront, ancien Novotel, hôtel, près de la banque kenyane KCB, devant l'entreprise Braroudi, et j'en passe. Par peur de tomber dans les niches involontairement creusées, des cortèges de véhicules à moteur, tricycles et bicyclettes se disputent durant des minutes en passage encore intact. Ce n'est pas seulement le centre-ville et le nord de Bujumbura. L'on ne saurait passer sous silence les nids de poules constatés sur les routes des zones Musaga et Kanyosha. Le cas le plus frappant, c'est cette route tellement menacée par une fissure non loin du petit séminaire d'Okanyosha à Kinanira 2, à l'endroit communément appelé Chevisi. Si la réhabilitation n'est pas rapide, l'on comptera sur le bout des doigts les jours restants pour que cette route se coupe en deux. Au niveau du pont Mouha, sur la route Bujumbura-Rumonge, tout près de la salle des fêtes dite Magnifica, des indications rappellent à l'ordre les conducteurs. Il n'est pas aisé de répertorier toutes les routes. La réalité, c'est que la ville de Bujumbura continue à s'agrandir. Les principales routes ne suivent pas le rythme. Une fois impraticable, leur réhabilitation, semble-t-il, vient de loin. Parfois, des initiatives des individus pour boucher ces nids sont notées, mais c'est éphémère, inhabituel dans la ville de Bujumbura. Difficile donc de comprendre réellement qui fait quoi. Ont récemment haussé le ton certains des élus du peuple. À la mairie de Bujumbura, l'on dit s'occuper des rues à l'intérieur des quartiers, estimant que cela est du ressort de la direction des routes. Au niveau de cette direction, l'on affirme que la responsabilité est la leur. Un fonds est aussi disponible, mais disent-ils, les moyens font défaut. Que chacun assume correctement sa responsabilité, c'est l'idéal, mais il ne faudrait pas attendre que le pire arrive, sauver ce qui reste à sauver. À bon entendeur, salut. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Elie Kadogo pour la mise en onde. Ce journal a été présenté par Jean Bosco d'Ouimana. Ne tournez pas le bouton. Le programme continue. Une bonne soirée.